Alexandre Dumas, Histoire de mes bêtes. Premier chapitre. Le chien que j'ai et les poules que j'avais. Peut-être êtes-vous chasseur. Peut-être aimez-vous les poules. Peut-être vous est-il arrivé que votre chien de chasse, dans une bonne intention et croyant avoir affaire à des faisans ou à des perdrix, étrangla vos poules. La supposition est possible et n'a rien de désobligeant. Je me hasarde donc à la faire. Dans ce cas, tenant à votre chien et à vos poules, vous avez dû regretter de ne pas connaître un moyen de châtier, sans que mort s'ensuivît, l'animal gallicide. Car tuer votre chien, ce n'était pas rendre la vie à vos poules. Et d'ailleurs, l'Écriture dit que Dieu veut le repentir et non la mort du pécheur. Dans cet axiome évangélique, me ferez-vous observer, Dieu ne s'est pas occupé des chiens. Je reconnais bien, dans cette réponse, l'orgueil humain. Je crois que Dieu s'est occupé à l'égal de l'homme, de tout animal auquel il a donné vie, depuis le ciron jusqu'à l'éléphant, depuis l'oiseau-mouche jusqu'à l'aigle. D'ailleurs, je fais une concession à votre orgueil, cher lecteur, et je dis « Peut-être Dieu a-t-il accordé une tentation particulière au chien, qui est l'animal dont l'instinct se rapproche le plus de l'intelligence de l'homme. Peut-être même oserions-nous hasarder cette théorie que certains chiens ont plus d'instinct que certains hommes n'ont d'intelligence. Rappelez-vous le mot charmant de Michelet. Les chiens sont des candidats à l'humanité. » Et si ce fait était contesté, nous en donnerions cette preuve que les chiens deviennent enragés et mordent. Ce point arrêté, abordons notre sujet. J'ai un chien et j'avais des poules. Voyez ce que c'est que d'être auteur dramatique et avec quel art un auteur dramatique entre en matière. J'ai un chien et j'avais des poules. Cette seule phrase, ces sept mots vous disent toute une catastrophe. De plus, la situation actuelle. J'ai un chien. Je l'ai toujours. Par conséquent, mon chien vit. J'avais des poules. Je ne les ai plus. Par conséquent, mes poules sont mortes. Vous voyez que, pour peu que vous ayez l'esprit de corrélation, quand même je ne vous l'aurais pas dit, un peu prématurément, peut-être par cette seule phrase « J'ai un chien et j'avais des poules », non seulement vous sauriez que mon chien est vivant et que mes poules sont mortes, mais encore vous devineriez que selon toute probabilité, c'est mon chien qui a étranglé mes poules. Il y a donc tout un drame dans ces mots « J'ai un chien et j'avais des poules ». Si je pouvais espérer devenir membre de l'Académie, j'aurais la certitude qu'un jour, mon éloge serait fait au moins par mon successeur et loué par un grand seigneur ou un grand poète de l'avenir, un Noailles ou un Viennet futur. Je pourrais m'endormir tranquille sur cette phrase « J'ai un chien et j'avais des poules », certain que les intentions qu'elle renferme ne serait pas perdu pour la postérité. Mais hélas, je ne serai jamais de l'Académie. Un confrère ne fera jamais mon éloge après ma mort. Il est donc tout simple que je fasse mon éloge de mon vivant. Maintenant, vous le savez, cher lecteur, ou vous ne le savez pas, en fait d'art dramatique, tout est dans la préparation. Faire connaître les personnages est un des moyens les plus sûrs de forcer le lecteur de s'intéresser à eux. Forcer, le mot est dur, je le sais, mais il est technique. Il faut toujours forcer le lecteur de s'intéresser à quelqu'un ou à quelque chose. Seulement, il y a plusieurs moyens d'arriver à ce résultat. Vous rappelez-vous Walter Scott ? Envers qui nous commençons à être passablement ingrats. Après cela, peut-être notre ingratitude doit-elle être imputée à ces nouveaux traducteurs, et non à nous. Eh bien, Walter Scott avait un moyen à lui d'attirer l'intérêt sur ses personnages, moyen qui, pour être, à peu d'exceptions près, toujours le même, et pour paraître extraordinaire à la première vue, ne lui réussissait pas moins. Ce moyen, c'était d'être ennuyeux, mortellement ennuyeux, souvent pendant un demi-volume, quelquefois pendant un volume. Mais pendant ce volume, il posait ses personnages. Mais pendant ce volume, il faisait une si minutieuse description de leur physique, de leur morale et de leurs habitudes. On savait si bien comment ils s'habillaient, comment ils marchaient, comment ils parlaient, que lorsqu'au commencement du second volume, un de ces personnages se trouvait dans un danger quelconque, vous vous écriez « Eh, ce pauvre monsieur qui avait un habit vert pomme, qui boitait en marchant, qui zézayait en parlant, comment va-t-il se tirer de là ?» Et vous étiez tout étonné, après vous être ennuyé pendant un demi-volume, pendant un volume, parfois même pendant un volume et demi, vous étiez tout étonné de vous intéresser énormément à ce monsieur qui zézayait en parlant, qui boitait en marchant et qui avait un habit vert pomme. Peut-être me direz-vous, cher lecteur, vous nous vantez ce procédé, monsieur le poète. Est-il le vôtre par hasard? D'abord, je ne vante pas le procédé. Je l'expose, je le constate, je le discute même. Non, le mien, au contraire, est tout opposé. Vous avez donc un procédé, va me dire poliment et spirituellement Monsieur P ou Monsieur M. Pourquoi pas, mon cher Monsieur P? Pourquoi pas, mon cher Monsieur M? Voici donc mon procédé. Je vous le donne pour ce qu'il est. Seulement, je commence par vous dire que je le crois mauvais. Mais alors, objecterez-vous, si votre procédé est mauvais, pourquoi vous en servez-vous? Parce qu'on n'est pas toujours maître de se servir ou de ne pas se servir d'un procédé, et que parfois, j'en ai peur, c'est le procédé qui se sert de vous. Les hommes croient avoir les idées. J'ai bien peur, moi, que ce ne soit, au contraire, les idées qui aient les hommes. Il y a telle idée qui a usé deux ou trois générations et qui peut-être, avant de s'accomplir, en usera trois ou quatre. En somme, que ce soit moi qui possède mon procédé ou que ce soit mon procédé qui me possède, le voici tel qu'il est. Commencez par l'intérêt au lieu de commencer par l'ennui. Commencez par l'action au lieu de commencer par la préparation. Parlez des personnages après les avoir fait paraître, au lieu de les faire paraître après avoir parlé d'eux. Peut-être vous direz-vous au premier abord, « Je ne vois absolument rien de dangereux dans ce procédé-là. » Eh bien, vous vous trompez. En lisant un livre ou en regardant jouer un drame, une comédie, une tragédie, une pièce de théâtre, enfin, Schauspiel, comme disent les Allemands, il faut toujours qu'on s'ennuie peu ou prou. Il n'y a pas de feu sans fumée, il n'y a pas de soleil sans ombre. L'ennui, c'est l'ombre, l'ennui, c'est la fumée. Or, l'expérience a prouvé que mieux valait s'ennuyer au commencement qu'à la fin. Il y a plus, quelques-uns de mes confrères, ne sachant lequel de ces deux parties adopter, ont pris celui d'ennuyer le lecteur tout le long du roman, ou le spectateur tout le long du Schauspiel. Et cela leur réussit. Tandis que moi, j'ai failli être victime de mon procédé, qui consiste à amuser en commençant. En effet, voyez mes premiers actes, mes premiers volumes. Le soin que j'ai toujours pris de les rendre aussi amusants que possible a souvent nui aux quatre autres quand il s'agissait d'un acte, aux 15 ou 20 autres quand il s'agissait d'un volume. Témoin, le prologue de Caligula qui a tué la tragédie. Témoin, le premier acte de Mademoiselle de Belle-Île qui a failli tuer la comédie. Du moment que l'on s'est amusé au premier acte ou au premier volume, on veut toujours s'amuser. Et c'est difficile, fort difficile, presque impossible, d'être toujours amusant. Tandis qu'au contraire, quand au premier volume ou au premier acte on s'est ennuyé, on désire changer un peu. Et alors le lecteur ou le spectateur vous sait un gré infini de tout ce que vous faites dans ce but. Rien qu'avec le prologue de Caligula, il y avait de quoi faire le succès de 5 tragédies, comme Clovis, comme Artaxès, comme le Cid d'Andalousie, comme Pertinax et comme Julien dans les Gaules. Seulement, il n'en fallait mettre qu'un peu à la fois, et surtout ne pas le mettre au commencement. Il est d'un roman ou d'un drame comme d'un dîner. Vos convives ont faim, ils ont le désir de manger. Ce qu'ils mangeront, peu leur importe, pourvu que leur appétit soit satisfait. Servez-leur une soupe à l'oignon. Quelques-uns feront la grimace peut-être, mais tous mangeront à coup sûr. Donnez-leur ensuite du porc, de la choucroute, quelques plats grossiers, quels qu'ils soient, mais en abondance. L'estomac ne demande plus rien, et ils s'en vont sans murmurer. Ils se diront même « Ce n'était pas exquis, mais ma foi, j'ai dîné. » Voilà pourquoi réussissent souvent ceux qui ennuient toujours depuis le commencement du roman ou de la pièce jusqu'à la fin. Ce procédé-là est le moins usité et le moins sûr. Je ne conseille pas d'en user. Voici les 2 autres procédés. Le procédé Walter Scott d'abord. Vous servez, comme au dîner précédent, la soupe à l'oignon, la choucroute, les viandes communes. Mais viennent après perdreau et faisan, même une simple volaille ordinaire, une oie, si vous voulez, et tous vos convives d'applaudir, d'oublier le commencement du repas, et de s'écrier qu'ils ont dîné, comme on dînait jadis, chez Lucullus. Mon procédé à moi est le plus mauvais, je l'ai dit. Je sers mes perdreaux et mes faisans, mes turbots, mes homards, mes ananas, que je ne garde point pour mon dessert. Et puis, vous trouvez enfin le lapin sauté, le fromage de gruyère, et vous faites la grimace. Et je suis bien heureux si vous n'allez pas crier sur les toits que ma cuisine est à 600 mètres au-dessous de la dernière gargote et du niveau de la mer. Mais je m'aperçois, cher lecteur, que je me suis un peu écarté du chien que j'ai et des poules que j'avais. Je crois que je me suis servi aujourd'hui du procédé de Walter Scott. Il faut essayer de tout.